Bon alors, c'est contre le mur, sous l'affiche et... Le chapeau ? Non, c'est à gauche du chapeau. Il y a un blouson, c'est ça ? Oui, c'est ça, bravo ! Bon, à toi maintenant. C'est sur la table, à côté de la bouteille. Le verre ? Non, à droite de la bouteille, dans le vase. Les fleurs ? Oui ! Bon, à moi.